Chapitre 7, page 55. Exercice 4. 1. Notre nouveau directeur travaille énormément pour notre projet. Il ne compte pas ses heures de travail. 2. Cette très vieille dame, malgré ses 100 ans, est increvable. Elle a conservé son goût pour la lutte politique. 3. Arthur a eu la grippe. Il a été très fatigué. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il est retourné au bureau. Il travaille à nouveau avec son entrain habituel. 4. La ministre sort en pleine forme d'une réunion épuisante, comme si de rien n'était. 5. Cet historien est très âgé, mais il a conservé intacte toute sa passion pour son domaine, et il en parle avec ferveur.